Raison et sensibilité, ou les deux manières d'aimer, de Jane Austen, traduit librement de l'anglais par Isabelle de Montolieu. La famille des Dashwood était depuis longtemps établie dans le comté de Sussex. Leur domaine était étendu et leur résidence habituelle était à Norland Park, au centre de leur propriété, où plusieurs générations avaient vécu avec honneur, aimées et respectées de leurs vassaux et de leurs voisins. Le dernier possesseur de ces biens était un vieux célibataire qui, pendant longtemps, avait vécu avec une sœur chargée de diriger l'économie de sa maison, en même temps qu'elle était sa fidèle compagne. Elle mourut 10 ans avant lui, et pour réparer cette perte, il invita un neveu, qui devait hériter de ses terres, à venir vivre auprès de lui avec toute sa famille. Ce neveu, M. Henry Dashwood, était marié, et il avait des enfants. Le bon vieillard trouva dans leur société un bonheur qui lui était inconnu, et son attachement pour eux tous s'augmenta chaque jour. Monsieur et Madame Henry Dashwood soignèrent sa vieillesse bien moins par intérêt que par bonté de cœur, et la gaieté des enfants et leurs douces caresses animèrent le soir de sa vie et la prolongèrent. Monsieur Henry Dashwood avait un fils d'un premier mariage et 3 filles de sa seconde femme. Son fils John était en possession d'une belle fortune provenant de sa mère qui avait été très riche. Économe par caractère, il ne fit aucune folle dépense et se maria de bonne heure à Miss Fanny Ferrars, jeune personne riche aussi qui ajouta encore à sa fortune. La succession de la terre de Norland ne lui était donc pas aussi nécessaire qu'à ses 3 sœurs, qui n'avaient pas les mêmes espérances. Leur mère n'avait rien du tout à leur laisser, et leur père ne pouvait disposer que de 7 000 livres sterling. Tout le reste de sa fortune devait revenir après lui à son fils, attendu qu'il n'avait eu pendant sa vie que la jouissance de la moitié du bien de sa première femme. Le vieux oncle mourut. Son testament fut ouvert, et comme il arrive presque toujours, il fit beaucoup de mécontents. Monsieur Henry Dashwood devait naturellement s'attendre à être le seul héritier, et l'était en effet, mais de manière à détruire pour lui la valeur de cet héritage, auquel il n'attachait de prix que pour faire un sort à sa femme et à ses 3 filles, son fils étant déjà si avantageusement pourvu du côté de la fortune. Mais à sa grande surprise, son oncle, qui paraissait aussi les aimer tendrement, avait cependant substitué tous ses biens à ce fils et à son enfant âgé de 3 ou 4 ans, tellement que M. Henry Dashwood n'avait plus le pouvoir d'en aliéner la moindre partie pour faire un sort à sa femme et à ses filles. Pendant les dernières années de la vie du vieillard, M. John Dashwood et sa femme avaient eu soin de lui faire beaucoup de visites et d'amener avec eux leur petit garçon, qui caressait le vieil oncle, l'appelait bon grand-papa, jouait autour de lui, l'amusait de son petit babil et même de ses sottises enfantines et qui finit par lui faire oublier toutes les attentions que ses nièces lui avaient prodiguées pendant des années. Il leur laissait cependant à chacune 1 000 pièces comme une marque d'amitié, mais c'était tout ce qu'elles avaient à prétendre de son héritage. M. Henry Dashwood fut d'abord consterné de ces dispositions. Il se consola cependant en pensant que, quoiqu'il fût déjà grand-père, il pouvait raisonnablement espérer de vivre encore bien des années et de faire d'assez fortes économies sur ses grands revenus pour laisser après lui une somme considérable. Mais sur quoi peut compter l'homme mortel? M. Dashwood ne survécut que 2 mois à son oncle, et de cette fortune si longtemps attendue, il ne resta à sa femme et à ses 3 filles que 10 000 pièces, y compris le legs des 3 000. Aussitôt que M. Henry Dashwood se sentit en danger, il fit venir son fils et lui recommanda sa belle-mère et ses 3 sœurs avec toute la force de la tendresse paternelle. M. John Dashwood n'avait pas la sensibilité de son père et de toute sa famille. Cependant, ému par la solennité du moment et par les tendres supplications du meilleur des pères, il lui promit de faire tout ce qui dépendrait de lui pour le bonheur des êtres si chers à son cœur. Les derniers instants du mourant furent adoucis par cette assurance. Il expira doucement dans les bras de sa femme et de ses filles, au désespoir de sa perte, et son fils, assis à quelques pas plus loin, réfléchissait à sa promesse et à ce qu'il pouvait et devait faire pour la remplir. Dans le fond, il était alors très bien disposé pour cela. Quoiqu'il fût naturellement froid et très égoïste, il jouissait cependant d'une bonne réputation. Il était respecté comme un jeune homme qui avait des mœurs, qui s'était toujours conduit avec sagesse et prudence, et qui remplissait exactement les devoirs de fils, de père, de mari et ceux de société. S'il avait eu une compagne plus aimable, il aurait joui de plus d'estime encore et l'aurait mieux mérité. Il s'était marié fort jeune et, passionnément amoureux de sa femme, elle avait pris sur lui beaucoup d'empire. Un esprit très étroit, des nerfs très irritables, un cœur qui n'aimait qu'elle-même et son enfant parce qu'il était à elle et qu'il lui ressemblait, voilà en deux mots le portrait de Madame John Dashwood. « Allons, » dit M. John Dashwood en lui-même à la suite de ses réflexions, « il faut tenir ce que j'ai promis à mon père mourant. Il faut faire à mes sœurs un présent qui les dédommage de leur perte et qui augmente leur bien-être. Si je leur donnais 1000 pièces à chacune, il me semble que ce serait fort honnête, et je ne puis pas faire moins. Ma fortune s'augmente à présent par la mort de mon père de 4000 livres sterling par année des biens de mon vieux oncle, sans parler de la moitié du bien de ma mère dont mon père jouissait. Tout cela, ajouté à mes revenus actuels, me met en état d'être généreux avec mes sœurs. Oui, oui, je leur donnerai 3000 guinées. Et je crois que c'est assez beau, et qu'on parlera dans le monde de ma libéralité. 3000 pièces ajoutées aux 3000 qu'elles ont eues de leur bon oncle et aux 7000 dont leur mère jouit, les mettront complètement à leur aise. 4 femmes ne peuvent pas dépenser beaucoup, et 3000 pièces est une belle somme. Elles pourront faire des épargnes considérables. Allons, j'en suis bien aise. Je l'ai promis à mon père mourant et j'y suis résolu. » Il pensa de même tout le jour, et même plusieurs jours consécutivement sans qu'il s'en repentît. Il ne leur en parla pas encore dans le premier moment de leur douleur, mais il en prit l'engagement avec lui-même. Les funérailles ne furent pas plus tôt achevées que Madame John Dashwood, sans en avertir sa belle-mère, arriva à Norland Park avec son fils et tous leurs domestiques. Personne ne pouvait lui disputer le droit d'y venir, puisque du moment du décès de leur père, cette terre leur appartenait. Mais le peu de délicatesse de ce procédé aurait été senti même par une femme ordinaire, et Madame Dashwood la mère, avec une sensibilité romanesque, un sens parfait des convenances, ne pouvait qu'être très blessée de cette négligence. Madame John Dashwood n'avait jamais cherché à se faire aimer de la famille de son mari, à l'exception, cependant, du vieux oncle, mais jusqu'alors, ne vivant pas avec eux, elle avait eu peu d'occasion de leur prouver combien ils devaient peu compter sur des attentions consolantes de sa part. Madame Dashwood fut si aigrie de cette conduite peu amicale et désirait si vivement de le faire sentir à sa belle-fille qu'à l'arrivée de cette dernière, elle aurait quitté pour toujours la maison si sa fille aînée ne lui avait fait observer qu'il ne fallait pas se brouiller avec leur frère. Elle céda à ses prières, à ses représentations, et pour l'amour de ses 3 filles, consentit à rester pour le moment à Norland Park. Elinor, sa fille aînée, dont les avis étaient presque toujours suivis, possédait une force d'esprit, une raison éclairée, un jugement prompt et sûr, qui la rendait très capable d'être à 19 ans le conseil de sa mère. Elle lui assurait le droit de contredire quelquefois, pour leur avantage, à toutes, une vivacité d'esprit et d'imagination qui, chez Madame Dashwood, ressemblait souvent à l'imprudence. Mais Elinor n'abusait pas de cet empire. Elle avait un cœur excellent, elle était douce, affectionnée, ses sentiments étaient très vifs, mais elle savait les gouverner. C'est une science bien utile aux femmes, que sa mère n'avait jamais apprise, et qu'une de ses sœurs, celle qui la suivait immédiatement, avait résolu de ne jamais pratiquer. Pour l'intelligence, l'esprit et les talents, Maria ne le cédait en rien à Elinor, mais sa sensibilité, toujours en mouvement, n'était jamais réprimée par la raison. Elle s'abandonnait sans mesure et sans retenue à toutes ses impressions. Ses chagrins, ses joies étaient toujours extrêmes. Elle était d'ailleurs aimable, généreuse, intéressante sous tous les rapports, et même par la chaleur de son cœur. Elle avait toutes les vertus, excepté la prudence. Sa ressemblance avec sa mère était frappante, aussi était-elle sa favorite décidée. Elinor voyait avec peine l'excès de la sensibilité de sa sœur, tandis que leur mère en était enchantée et l'excitait au lieu de la réprimer. Elles s'encouragèrent l'une l'autre dans leur affliction, la renouvelaient volontairement et sans cesse, par toutes les réflexions qui pouvaient l'augmenter et n'admettaient aucune espèce de consolation, pas même dans l'avenir. Elinor était tout aussi profondément affligée, mais elle s'efforçait de surmonter sa douleur et d'être utile à tout ce qui l'entourait. Elle prit sur elle de mettre chaque chose en règle avec son frère pour recevoir sa belle-sœur à son arrivée et lui aider dans son établissement. Par cette sage conduite, elle parvint à relever un peu l'esprit abattu de sa mère et à lui donner au moins le désir de l'imiter. Sa sœur cadette, la jeune Emma, n'était encore qu'une enfant. Mais à 12 ans, elle promettait déjà d'être, dans quelques années, aussi belle et aussi aimable que ses sœurs.